Alors, il y a une chose à laquelle je pense pas mal dernièrement, c'est à la limite entre la transparence et le manque d'amour-propre. C'est-à-dire, c'est ce revers un peu de l'ego où tu as envie de diminuer sa place dans ta vie, dans tes actions, dans ta pensée, mais aussi le danger de totalement l'oublier, quoi. Et en fait, depuis un moment, je suis dans une, ça fait super snob, démarche de transparence, mais par rapport à ce que je ressens, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir honte de me prendre la tête sur des trucs qui vraiment me prennent la tête, ou juste parce que c'est relou, ou enfin, m'essayer de plus dire ce que je ressens sans peur que, parce que c'est bon, genre, c'est tout n'a pas une importance dramatique. C'est-à-dire, quand ça reste coincé, ça empire souvent. Et voilà, de développer un peu une attitude de spontanéité que. Ouais, enlever le poids autour de la parole par rapport à nos émotions et à ce qu'on ressent. Et tout ça, en fait, c'est lié à quelque chose que j'aime pas du tout dans la séduction, dans l'amour, enfin, dans le rapport autre qu'amical, quoi. C'est la stratégie. Cette idée de manipuler ce que tu vas dire pour te présenter de telle manière, de pas trop révéler parce que paraître détaché, c'est cool. Enfin, après, ça veut pas dire que je suis pas des fois un peu stratégique dans mon rapport aux autres, mais en règle générale, ça me panique et j'aime pas du tout. Du coup, des fois, j'envoie des trucs un peu bizarres, mais voilà. Et c'est aussi l'idée de se rater. Cette idée que t'as deux personnes qui pourraient être en train de vivre un truc, mais tu te rates parce que t'as de l'ego mal placé. C'est-à-dire parce que on nous a appris que c'est une fois toi, une fois moi, une fois toi, une fois moi. Parce qu'on s'est habitué à pas dire ce qu'on ressent, parce que les mots, bah, ça fait peur. Et genre, oh là là, si l'autre, il pense que je vais trop loin. Enfin. Et en même temps, si j'ai aussi peur de rater les gens, qu'on me passe à côté, de regretter de ne pas avoir fait ou dit des trucs, c'est parce que j'ai une envie de vivre des choses et moi, pour faire court et un peu niais, genre d'aimer et être aimé et de pas rien ressentir. Sauf que du coup, cette espèce de manque de confiance en moi par rapport à ça, bah, il me pousse à manquer d'ego et à manquer du bon ego. Et en fait, c'est pas. C'est dur de s'en rendre compte, hein, parce que moi, personnellement, je me rends compte quand j'en parle à quelqu'un d'autre. Quand du coup, pendant un instant, je prends les yeux de quelqu'un d'autre, je sors de mon émotion ou de ce que je sous-entendais dans. Parce qu'il y a toujours le sous-entendu qui change tout, bien sûr. Et des fois, je regarde ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit et je me comprends plus. Je dis, mais pourquoi? Enfin. Et en même temps, si je me reconcentre, que je repense à pourquoi j'ai dit ça, bah oui, là, tout d'un coup, je comprends, je vois. Mais c'est parce que c'est biaisé, parce que c'est. C'est souvent, tu te confrontes à l'impossibilité de vraiment expliquer une situation parce que c'est tellement complexe qu'au fait, il faut l'avoir vécu. Et en fait, rétrospectivement, c'est horrible de se rendre compte toutes les fois où juste la limite, elle a été franchie et on se faisait de la peine en pensant bah justement se démener, enfin se délaisser de faire partir l'ego, quoi. Et du coup, elle est où la limite? Est-ce qu'on peut vraiment la sentir sur le coup? Et en fait, combien de fois faut que je me prenne genre un mur sur la tête pour comprendre où elle est? Et ça, c'est un peu des questions qui. Parce que après, est-ce que. Ouais, tu sais jamais vraiment quelle. C'est peut-être aussi la réponse de l'autre qui oriente l'action dans un côté ou de l'autre de la limite. Je sais pas. À méditer.